Chapitre 19e. Affaires d'intérêt. Archibald Floyd était bien solitaire à Felden Woods, privé de sa fille. Il trouvait peu de distraction dans l'immense salon, dans la salle de billard, dans la bibliothèque, pas plus que dans les charmantes galeries pleines de sièges confortables disséminés dans tous les coins, aux croisées richement tendues, aux coussins en damas, aux meubles de chêne, aux vases en porcelaine aussi hauts que les tables, et tous égayés soit par les portraits aux lignes fortement accentuées, soit par celles, souriantes et efféminées, des ancêtres que le banquier avait achetés dans Wardour Street. En vérité, je crois que ces héros écossais, ces guerriers en perruque, ces grandes dames au corsage à pointe, aux jupes relevées, aux robes à paniers garnies de festons en ruban bleu, avaient été peints sur commande, et qu'il devait se trouver quelques items sur les livres du marchand de bric-à-brac, semblables à ceux-ci, par exemple, pour un chevalier porté en Arthur à Bosworth, 25 livres, 5 shillings. Le vieux banquier, dis-je, paraissait sérieusement fatigué de son somptueux domaine, qui était de bien peu de valeur pour lui sans Aurora. On n'est pas toujours heureux quand on vit dans de riches demeures, quoiqu'il soit généralement admis que c'est une admirable chose que d'occuper un château assez vaste pour servir d'hôpital, et de prendre son repas au bout d'une table suffisamment grande pour servir à une réunion de directeurs de chemin de fer. Archibald Floyd ne pouvait seul occuper les deux cheminées de son grand salon, et il se trouvait bien isolé, en regardant, assis dans son fauteuil, le tapis du foyer à travers un encombrement de coussins de velours, de damas satinés, de meubles de vieux noyer, de boules, de malachite, de porcelaine, de cristal, d'or moulu, et cet autre tapis de foyer, et tous ces fauteuils vides. Il avait froid dans sa triste opulence. Son tapis de velours, de 45 pieds sur 30, n'était qu'une pincée de sable jaune dans le désert du Grand Sahara, pour la satisfaction qu'il en tirait. La salle de billard était encore peut-être plus triste, car les queues ainsi que les billes étaient devenues précieuses depuis qu'elles avaient été touchées par Aurora, et une longue reprise se voyait sur le tapis vert, indiquant l'endroit où Miss Floyd l'avait déchiré lors de ses premiers essais au jeu de billard. Le banquier jeta un dernier regard sur ces deux pièces splendides et en remit les clés à la gouvernante. « Prenez soin des chambres, Mrs. Richardson, dit-il, et ne manquez pas de leur donner de l'air. » Mais je ne les habiterai que lorsque je recevrai la visite de Mr. et Mrs. Mellish. » Puis, ayant fermé les portes de ses appartements, M. Floyd sortira dans cette petite chambre si commode, dans laquelle il conservait les quelques reliques d'un passé malheureux. On pourrait dire que le banquier écossais était un vieillard bien stupide, et qu'il aurait pu inviter dans son splendide manoir des voisins de campagne, qu'il aurait pu convoquer ses neveux et leurs femmes, ainsi que le banc et l'arrière-ban de ses petits-neveux et petites-nièces, et de cette façon égayer l'habitation par des voix jeunes et fraîches, et rendre les longs corridors bruyants avec le piétinement incessant de mains petits pieds. Il eût pu rassembler autour de son foyer désert les célébrités artistiques et littéraires, et voir défiler sur ses tapis moelleux les lions à la mode de Londres. Il eût été possible d'entrer dans l'arène politique, et se faire nommer pour Buckingham, Croydon ou West Wickham. Il eût été à même de faire quoi que ce soit au monde, car il était aussi riche qu'Aladin, et aurait pu offrir des monceaux de diamants bruts au père de n'importe quelle princesse avec laquelle il eût pris la fantaisie de se marier. Entreprendre n'importe quoi lui était facile, à ce ridicule vieux banquier, et cependant il ne faisait que méditer, assis auprès de sa cheminée, car il était âgé et débile, et il avait l'habitude de rester au coin du feu même durant les belles journées d'été, songeant à sa fille si éloignée de lui. Il rendait grâce à Dieu d'avoir donné à son enfant un heureux intérieur, un mari dévoué, une position honorable et assurée, et il lui donnait la dernière goutte de son sang pour avoir pu lui procurer ses avantages. Mais après tout, il était mortel, et il aurait préféré l'avoir près de lui. Pour quelle raison ne s'entourait-il pas de monde, ainsi que lui conseillait la pimpante Mrs. Alexander lorsqu'elle ne voyait pas aller abattue? Pourquoi? Parce que le monde n'était pas Aurora. Parce que les meilleurs bons mots de toutes les célébrités littéraires du monde entier lui paraissaient tristes, comparés au plus futile babillage de sa fille. Lions littéraires, notabilités politiques arrière. Si George Alfred Lawrence et George Augustus Sala eussent appelé, pour collaborer avec eux, le révérend Charles Kingsley et M. le major White Melville, un ouvrage en 15 volumes ou environ sur sa fille Aurora, le banquier eût été prêt à leur offrir une somme énorme pour la propriété de cette œuvre littéraire. Jusque-là, il faisait bien peu de cas même du meilleur livre de la littérature présente ou passée. Si les membres les plus éminents du Parlement eussent employé leur savoir politique pour soutenir Aurora, M. Archibald Floyd eût été très heureux de les écouter. Mais en attendant, il eût volontiers bâillé au nez de Lord Palmerston et tourné le dos au contre-sel. Le banquier avait été un oncle rempli de tendresse, un bon maître, un ami accompli et un patron généreux. Il n'avait jamais aimé d'autre créature que sa femme Elisa et la fille qu'elle lui avait laissée. La vie est trop courte pour tenir beaucoup d'engagements tels que ceux-ci, et ceux qui chérissent avec tant de force sont aptes à concentrer leur affection entière sur un seul objet. Pendant 20 ans, cette fille aux yeux noirs avait été l'idole devant laquelle il s'était prosterné. Et aujourd'hui que la divinité lui ravit, il tombe sans force et désolé devant la chasse vide. Dieu seul sait combien cet enfant adoré l'avait fait souffrir, à quelle profondeur elle avait plongé avec insouciance le poignard dans son cœur plein d'amour, et comment il lui avait pardonné franchement, avec joie, avec larmes et le cœur plein d'espérance. Mais elle n'avait jamais expié le passé. C'est une triste consolation que Lady Macbeth accorde à son époux plein de remords, lorsqu'elle lui dit que ce qui est fait ne peut plus se défaire. Mais c'est fatalement et horriblement vrai. Aurora ne pouvait rendre les années qu'elle avait arrachées à l'existence de son père, et que ses tourments et son désespoir avaient décuplé. Il n'était point en son pouvoir de remettre en équilibre l'esprit qui jadis avait reçu un choc si terrible, qu'il en avait dispersé toute la sérénité comme on disperse les mouvements d'une montre lorsqu'on la laisse tomber par terre avec force. L'horloger répare le dommage et place ici une roue nouvelle, là un ressort nouveau, remet les aiguilles en marche, mais elle ne fonctionne jamais aussi bien que lorsque la montre est sortie neuve des mains du fabricant. Elles peuvent s'arrêter soudain sans l'apparence d'un motif. Aurora ne pouvait expier. Quelle que fût la nature de cette faute de son jeune âge, qui faisait le mystère de sa vie, on ne pouvait y remédier. Il lui était plus facile de mettre à sec l'océan à l'aide d'une cuillère à potage, et je suis certain qu'elle se fût mise de grand cœur à vider l'eau salée, si en le faisant, elle eût pu effacer cette faute commise. Mais cela lui était impossible, elle ne le pouvait pas, elle ne le pouvait pas. Ses larmes, son repentir, son affection, son respect, son attachement pouvaient beaucoup sans doute, mais il ne pouvait faire ceci. Le vieux banquier invita Talbot Bulstrode et sa jeune femme à se regarder comme Jésus à Felden et à parcourir en voiture les bois d'alentour, absolument comme si l'endroit eût été leur propre maison de campagne. Ils venaient quelquefois, et Talbot entretenait son grand-oncle des infortunes des mineurs de Cornouailles, tandis que Lucie écoutait la conversation de son mari avec un mélange de respect et de joie. Archibald Floyd traitait ses hôtes de son mieux dans ces occasions et donnait des ordres afin que les vins les plus vieux et les plus coûteux de sa cave fussent servis pour l'agrément du capitaine. Mais quelquefois, au milieu même d'un discours de Talbot sur l'économie politique, le vieillard soupirait d'ennui et jetait sur la cime des arbres un regard plein de tristesse dans la direction du nord, vers la lointaine habitation du Yorkshire, dans laquelle sa fille était reine. Peut-être M. Floyd n'aimait-il qu'imparfaitement pardonné à Talbot Bulstrode d'avoir rompu le mariage projeté entre lui et Aurora. Des deux prétendants, le banquier aurait certainement donné la préférence à John Mellish, mais il eût regardé comme justice la retraite loin du monde du capitaine Bulstrode à l'occasion du mariage d'Aurora et son éternel désespoir dans un exil sur la terre étrangère, au lieu de montrer son indifférence par une union avec la pauvre petite Lucie. Archibald avait les yeux fixés sur la blonde tête de sa nièce, assise dans la profonde embrasure de la croisée, ses tresses couleur d'ambre éclairées par les rayons du soleil, et les plis sinueux de sa robe de soie couleur de pêche, ressemblant à l'une des héroïnes si chères à la confrérie pré-raphaélite. Et il s'étonnait de ce que Talbot ait pu le remarquer. Elle était certainement fort jolie avec ses joues vermeilles, son nez blanc, ses narines rosées, et puis elle avait un genre de beauté à part, qui consistait dans une grande finesse de traits. Mais aussi, quelle timidité, quelle froideur, à côté de cette déesse égyptienne, de cette reine assyrienne, aux yeux de flamme, à la chevelure noire, aux boucles ondoyantes. Talbot Bulstrode était parfaitement calme, d'un caractère tranquille, et en apparence suffisamment heureux. Je me sers du mot suffisamment avec intention. C'est une chose dangereuse d'être trop heureux. Un bonheur à haute pression, une joie à 60 000 à l'heure, peut éclater et tourner à mal. Mieux vaut le train à petite vitesse, partant de bonne heure le matin et descendant tranquillement les voyageurs sains et saufs sous la gare, aux premières ombres de la nuit, que ce rapide et impétueux train express, qui fait le voyage dans le quart du temps, mais qui parfois culbute sur un talus, ou monte sur un train de marchandises, dans son incommensurable vitesse. Talbot Bulstrode était matériellement plus heureux avec Lucie qu'il n'eût jamais pu l'être avec Aurora. Le culte que sa placide et blonde épouse avait pour lui flattait son amour-propre. Son obéissance empressée, son entier et constant assentiment à toutes ses pensées, à tous ses caprices, tout cela caressait son orgueil. Elle n'était point excentrique, elle n'était point emportée. Si son mari la laissait seule pendant toute une journée, dans sa délicieuse petite maison qu'il avait meublée avant son mariage, il ne craignait pas de la voir faire seller son cheval et s'en aller galoper dans Rotten Row avec un seul groom pour la suivre. Elle n'était point esprit fort. Elle trouvait moyen d'être heureuse sans la société de chiens de Terre-Neuve ou de terriers de Skye. Elle ne plaçait pas au-dessus de tout l'art moderne un tableau de Landseer, représentant des chiens. Elle aurait pu parcourir 100 fois Regent Street sans avoir l'air de flâner sur le bord du trottoir et de marchander à des vendeurs de mauvaise mine un adorable petit chien. Elle était tout à la fois, comme il faut, et de bon ton, et Talbot pouvait, sans aucune crainte, la laisser faire ses petites volontés. Et il n'avait pas besoin de lui faire comprendre la nécessité d'employer ses mains délicates à la rude tâche de soutenir la dignité des Raleigh Bulstrode. Quelquefois elle l'enlaçait, moitié amoureusement, moitié avec timidité, et regardant son époux avec un charmant sourire suppliant, elle fixait ses yeux sur son visage régulier et calme. Elle lui demandait en le câlinant s'il était réellement, mais réellement, heureux. « Oui, mon enfant chéri, » répondait le capitaine, depuis longtemps habitué à cette question, « parfaitement heureux. » La froideur de sa réponse contrariait bien un peu la pauvre Lucie, et vaguement, elle souhaitait à son mari une ressemblance plus grande avec les héros de roman, et un peu moins d'attachement pour Adam Smith, Mac Culloff et les mines de Cornouailles. « Mais vous ne m'aimez pas comme vous aimiez Aurora, Talbot. » Il y avait des profanes qui abrégeaient le nom de baptême du capitaine et l'appelaient tout simplement Tal. Mais Mrs. Bulstrode n'était pas plus capable de se servir de cette irrévérencieuse abréviation que de dire, en parlant de sa gracieuse souveraine, la reine Vic. « Mais vous ne m'aimiez point comme vous aimiez Aurora, mon cher Talbot, » insista la voix caressante, trop tendrement inquiète pour être contredite. « Peut-être pas de la même façon que j'aimais Aurora, mon adoré. Pas autant, dites. » Autant et bien mieux encore, enfant gâté. Je vous aime d'un amour plus durable et plus sage. » Si ceci pouvait passer pour un petit mensonge, lorsque le capitaine parlait ainsi, devait-il être tout à fait condamné pour cette légère tromperie? Comment résister à l'attrait de deux charmants yeux bleus, tout prêts à se remplir de larmes, si la réponse eût été indifférente? Comment ne point céder au doux timbre d'une voix tremblante d'émotion, au charme d'un visage plein de grâce? Puis cette main caressante s'appuyait si légèrement sur le col de son habit. Il eût fallu être plus qu'un simple mortel si, à des questions si aimantes, il eût répondu autrement que par des paroles d'amour. Un jour vint bientôt où ses réponses n'eurent pas la plus légère ombre de mensonge. Sa petite femme s'emparait insensiblement de son cœur, et s'il se souvenait encore des rêves fiévreux du passé, ce n'était que pour se réjouir dans la tranquille sécurité du présent. Talbot Bulstrode et sa femme restaient à Felden Woods pour passer quelques jours, pendant la brûlante saison du mois de juillet. Ils étaient à table pour dîner avec M. Floyd le jour qui suivit la soirée de l'orage. Ils furent tout à coup dérangés, au beau milieu de ce dîner, par l'arrivée inattendue de Mr. et Mrs. Mellish, qui, s'arrêtant devant la porte, descendirent d'une voiture de louage au moment même où l'on apportait le second service. Archibald Floyd reconnut sa fille au premier murmure de sa voix, et s'élança hors de la salle pour aller à sa rencontre. Elle montra peu d'empressement à se jeter dans les bras de son père, et resta à regarder John Mellish avec une expression d'insouciance et d'ennui, tandis que le robuste habitant du Yorkshire se laissait débarrasser peu à peu d'un monceau gigantesque de sacs de voyage, d'ombrelles, de châles, de revues, de journaux, de paletots, etc. « ma chérie !» s'écria le banquier. « Quelle heureuse surprise! Quel plaisir inattendu !» Elle ne lui répondit pas, mais passant ses bras autour de son cou, elle le regardait avec tristesse. « Elle a voulu venir, » dit M. John Mellish, en s'adressant à toute la société. « Elle a voulu venir. Dieu sait pourquoi. Mais elle a dit qu'il fallait qu'elle vînt. Et que pouvais-je faire, sinon l'amener? Si elle me demandait de la conduire dans la lune, que pourrais-je faire, sinon lui obéir? Mais elle n'a pas voulu apporter, pour ainsi dire, de bagages, parce que nous repartons demain. « Repartir demain ?» répéta M. Floyd. « C'est impossible. »« Que Dieu vous garde !» s'écria John. « Qu'est-ce qu'il y a d'impossible pour Aurora ?» Je vous répète que s'il lui prenait fantaisie d'aller dans la lune, elle irait. Elle trouverait une machine spéciale, ou un ballon spécial, ou n'importe quoi de spécial, et elle partirait. Lorsque nous étions à Paris, elle a voulu voir jouer les grandes eaux, et elle m'a dit d'écrire à l'empereur pour lui demander de les faire jouer pour elle. Et par Jupiter, cela fut fait. Lucie Bulstrode s'avança pour souhaiter le bonjour à sa cousine, mais je crois qu'une angoisse de jalousie traversa ce cœur innocent à l'idée que ses terribles yeux noirs allaient de nouveau peser sur l'existence de Talbot. Mrs. Mellish entoura sa cousine de ses bras avec autant de tendresse que si elle eût embrassé une enfant. « Vous ici, chère Lucie, » dit-elle, « oh, comme je suis contente !»« Il m'aime, » dit tout bas la petite Mrs. Bulstrode, « jamais, non jamais, je ne pourrais vous dire combien il est bon. » « Mais c'est tout naturel, ma charmante, » répliqua Aurora, attirant sa cousine à l'écart, pendant que M. Mellish serrait la main de son beau-père et celle de Talbot Bulstrode. « Il est le plus glorieux des princes, le plus parfait des saints, n'est-ce pas? Et vous l'adorez toute la journée. Vous chantez tout bas des hymnes à sa louange. Vous dites des messes en son honneur. Et vous allez récitant ses vertus sur un rosaire imaginaire. Ah, Lucie, il y a bien des genres d'amour. Et qui pourra dire jamais lequel est le meilleur et le plus grand? Je vois clair. Je vois clair. Je considère cette étourdie de John Mellish avec des yeux exempts de toute prévention. Je connais toutes ses fautes. Je ris de toutes ses maladresses. Oui. Je ris en ce moment même, car le voilà qui laisse tomber ses bagages plus vite que les domestiques ne peuvent les ramasser. » Elle s'interrompit pour désigner l'énorme charge du pauvre John. « Je vois tout cela aussi clairement que je vois les défauts du domestique placé derrière ma chaise. Et malgré tout, je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je ne voudrais pas le voir se corriger d'un défaut, ni exagérer une qualité, de peur qu'il ne soit plus lui-même. » Lucie Bulstrode poussa un petit soupir de légère résignation. « Quel bonheur que ma pauvre cousine soit heureuse » pensa-t-elle. « Et cependant, elle doit être à plaindre, avec cet absurde John Mellish. » Ce que Lucie voulait dire, c'était peut-être ceci. Comment Aurora peut-elle être heureuse avec un homme qui n'a ni le nez aquilin ni les cheveux noirs? Il y a des femmes qui ne perdent jamais cet engouement de jeune fille pour les nez aquilins et les cheveux noirs. Il y a des demoiselles qui eussent refusé Napoléon sous prétexte qu'il était de petite taille, où se fait fi de l'auteur de Childe Harold, si par hasard elle l'eût vu avec un faux col droit. Si Lord Byron n'eût jamais rabattu ses cols, sa poésie eût-elle été aussi populaire? Si M. Alfred Tennyson venait à couper ses cheveux, cette opération modifierait-elle notre opinion sur la reine de mai? Où commence et où finit ce merveilleux pouvoir de l'idée? Aurora avait peut-être des raisons pour être satisfaite de sa position avec son prosaïque époux. Peut-être avait-elle appris dès son jeune âge qu'il y a des qualités qui peuvent compenser des traits réguliers et des cheveux qui frisent. Peut-être, ayant été très frivole, avait-elle devancé ses compagnes et était-elle devenue raisonnable avant l'heure. Archibald Floyd conduisit sa fille et son mari dans la salle à manger. Les convives se remirent à table avec les deux hôtes inattendus, le second service fut apporté et le saumon à demi refroidi fut remis sur la table pour Mr. et Mrs. Mellish. Aurora s'assit à son ancienne place, à la droite de son père. Dans sa jeunesse, Miss Floyd n'occupait jamais le bout de la table. Elle préférait se placer près de son père si gai, si aimant. Elle lui versait à boire à la place des domestiques, et elle avait pour le vieillard une foule de petites attentions qui semblaient bien douces au banquier. Aujourd'hui, Aurora paraissait plus caressante. Ses manières charmantes et affectueuses reprenaient leur ancien charme sur M. Floyd. Il posa son verre d'eau d'une main tremblante afin de regarder sa fille chérie, resta ébloui de sa beauté et s'enivra de la voir près de lui. « Mais, ma chère enfant, » dit-il quelque temps après, « que parles-tu de retourner demain dans le Yorkshire ?»« Cela veut dire, papa, qu'il faut que je reparte, » répliqua Mrs. Mellish avec fermeté. « Mais pourquoi être venu, mon enfant, pour ne rester qu'une nuit ?»« Parce qu'il fallait que je te visse, très cher père, et que je te parle d'affaires d'intérêt. »« C'est cela ?» s'écria John Mellish, la bouche à moitié pleine de saumon à la sauce homard. « C'est cela même, affaire d'intérêt. Je ne puis tirer que cela d'elle. » Elle est sortie très tard hier au soir. Elle a rôdé dans le jardin. Puis elle est rentrée mouillée jusqu'aux os, en disant qu'il fallait qu'elle vînt à Londres pour des affaires d'intérêt. Si elle veut de l'argent, elle peut en avoir autant qu'elle en a besoin. Elle n'a qu'à écrire la somme, je signerai le bon, ou bien elle peut prendre une douzaine de chèques en blanc et les remplir elle-même si elle le désire. Que pourrais-je lui refuser sur terre? S'il a un peu trop dépensé au-delà de ce qu'elle pouvait, pourquoi ne s'adresse-t-elle pas à moi, au lieu de vous ennuyer à propos d'affaires d'argent? Vous savez bien que je vous l'ai dit dans le train, Aurora, et plusieurs fois encore. Pourquoi ennuyer votre père avec ces affaires-là ? » Le pauvre père promenait avec étonnement ses regards de sa fille à son gendre. Que pouvait signifier tout ceci ? Ennui, tourment, chagrin, humiliation, honte ? Ah, que Dieu vienne en aide à ce faible esprit, dont l'énergie fut anéantie par un coup terrible. Archibald Floyd craignait les signes d'un prochain orage apporté par le moindre nuage dans le ciel d'une journée d'été. « C'est peut-être que je préfère dépenser l'argent qui m'appartient, monsieur Mellish, » répliqua Aurora, « et payer les folles dettes que j'ai jugées à propos de contracter avec l'argent de ma propre bourse, sans avoir pour cela d'obligation à personne. » Monsieur Mellish revint à son saumon sans rien répondre. « Il n'y a pas grand mystère dans tout ceci, papa, » continua Aurora. « J'ai besoin d'un peu d'argent pour un motif particulier, et je suis venu te consulter sur mes affaires. Il n'y a rien de bien extraordinaire dans tout ceci, n'est-ce pas ?» En parlant ainsi, Mrs. Mellish releva la tête et eut l'air de lancer ses paroles en manière de défi. Son ton fut si hautain que Talbot et Lucie eux-mêmes furent forcés d'y répondre par une légère marque de désapprobation. « Non, non, certainement non, rien de plus naturel, » murmura le capitaine. Mais en même temps, il se disait tout bas, « Je vous rends grâce, mon Dieu, d'avoir épousé l'autre. » Après le dîner, la compagnie sortit de la salle à manger et descendit sur la pelouse, puis de là, ils se dirigèrent vers le pont en fer, sur lequel Aurora, son chien à ses côtés, s'était trouvé il n'y avait pas encore 2 ans, lors de la seconde visite de Talbot Bulstrode à Felden Woods. Appuyé avec nonchalance sur la balustrade de ce pont, pendant cette belle soirée d'été, à quoi pouvait songer le capitaine si ce n'était à ce jour de septembre écoulé depuis 2 ans à peine ? Pas même encore 2 ans. Et depuis ce temps, combien de choses s'étaient passées, avaient été supportées, avaient été souffertes. Le temps était court, et cependant, quelle éternité d'angoisse, quel siècle de tourments s'étaient accumulés en si peu de jours et en si peu de semaines. Lorsqu'un associé indélicat engage sur le turf, pour un cheval favori, l'argent qui ne lui appartient pas, et rentre chez lui le soir après avoir perdu, il est bien difficile de faire comprendre à ce malheureux qu'il n'y avait pas encore 12 heures qu'il courait sur la route d'Epsom, confiant dans sa chance et calculant de quelle façon il emploierait l'argent de son gain. Talbot Bulstrode était silencieux et pensait à l'influence que cette famille de Felden Woods avait eue sur sa destinée. Sa petite Lucie s'aperçut de cette tristesse et de cette préoccupation d'esprit, et s'approchant doucement de son mari, elle passa son bras sous le sien. Elle avait le droit d'agir ainsi. Oui, elle pouvait glisser sa charmante petite main blanche sur la manche de son habit et même le regarder presque bravement en face. « Vous souvient-il de votre première visite à Felden et que nous fûmes halte sur ce même pont sur lequel nous sommes maintenant » demanda-t-elle, car elle aussi avait songé à l'époque déjà si éloignée de cette magnifique journée de septembre 1857. « Vous en souvient-il, mon cher Talbot ?» Elle l'avait entraîné loin du banquier et de ses enfants pour lui poser cette importante question. « Oui, parfaitement, mon enfant adoré. » Aussi bien, je me souviens de votre charmant visage quand vous étiez assise au piano et que le rayon du soleil se jouait dans votre chevelure. Vous vous rappelez cela ? Vous vous souvenez de moi ? S'écria Lucie avec impétuosité, parfaitement en vérité. Je croyais cependant, c'est-à-dire, je sais que vous étiez amoureux d'Aurora dans ce temps-là, je ne crois pas. Vous ne faites que le croire ? Comment puis-je dire ? Répondit Talbot. J'avoue franchement que mon premier souvenir attaché à cet endroit est celui d'une magnifique créature aux yeux noirs avec des fleurs rouges dans les cheveux. Et il me serait aussi difficile de séparer son image de Felden Woods qu'il me serait possible de déraciner avec ma main droite les arbres séculaires qui donnent leur nom à cette propriété. Mais si vous gardez de cette ombre effacée du passé un souvenir pénible, vous vous chagrineriez, ainsi que moi, bien grandement à tort. J'ai commis une erreur, Lucie, mais Dieu soit loué, je m'en suis aperçu à temps. Nous devons faire remarquer que le capitaine Bulstrode était toujours très démonstratif dans sa reconnaissance envers la Providence pour avoir échappé au lien qui avait dû l'unir à Aurora. Il avait aussi un grand fond de pitié pour John Mellish, mais malgré tout, il était toujours disposé à se montrer taquin et querelleur avec l'habitant du Yorkshire. Et je me demande si les petites gaucheries et les maladresses de John ne lui faisaient point quelque plaisir. Il y a certaines plaies qui ne se cicatrisent jamais entièrement. Les chairs divisées peuvent être réunies, les calmants peuvent vaincre l'inflammation, la cicatrice même que laisse le coup de poignard peut s'effacer, disparaissant dans la transformation graduelle que subit chaque atome, selon les physiologistes. Mais la blessure a existé, et jusqu'à la fin de nos jours, il y a des changements de température qui nous rappellent notre ancienne douleur. » Aurora traitait le mari de sa cousine avec la calme cordialité qu'elle eût accordée à un frère. Elle ne lui gardait point rancune de son ancien abandon, car elle était heureuse avec son mari. Elle était heureuse avec l'homme qu'elle aimait et avait confiance en elle, et qui supportait toutes les épreuves avec sa foi candide. Mrs. Mellish et Lucie se promenèrent au bord de l'eau autour des parterres de fleurs et laissèrent les hommes sur le pont. « De sorte que vous êtes parfaitement, mais parfaitement heureuse, ma chère Lucie, » dit Aurora. « Oh oui, oui, ma chère amie. Comment ferais-je autrement? Talbot est si bon pour moi. Je sais bien qu'il vous a aimé la première et qu'il ne m'aime peut-être pas de la même manière, peut-être pas autant. » Lucie Bulstrode ne se lassait point de faire vibrer cette corde. « Mais je suis très heureuse. Il faut venir nous voir, ma chère Aurora. Notre maison est si jolie. » Ici, Mrs. Bulstrode commença une description détaillée des meubles et des décorations de l'habitation de Half Moon Street, qu'il est presque inutile de rapporter. Aurora écouta avec distraction la nomenclature du mobilier et bâilla plusieurs fois avant que sa cousine n'eût terminé. « C'est une charmante maison, je n'en doute pas, Lucie, » dit-elle enfin, « et John, ainsi que moi, seront heureux d'aller vous voir un jour. Je voudrais savoir, Lucie, s'il nous arrivait jamais quelque chagrin ou quelque tourment à la maison, si vous me recevriez encore. » « Quelque tourment, quelque chagrin, » répéta Lucie d'un air effrayé. « Vous ne me renverriez point, n'est-ce pas, Lucie ? Non, je vous sais trop bonne. Vous m'ouvririez secrètement votre porte. Vous me cacheriez dans une chambre de domestique et vous m'apporteriez à manger en cachette, de peur que le capitaine ne vînt à découvrir sur son toit un hôte qu'on n'aurait pas dû recevoir. Vous serviriez deux maîtres, Lucie, en tremblant de peur, de crainte. » Avant que Mrs. Bulstrode eût pu répondre à ces paroles extraordinaires, l'approche des hommes interrompit cette conversation. Ce n'était point une soirée bien gaie que celle de ce coucher de soleil de juillet à Felden Woods. La joie causée à Archibald Floyd par la présence de sa fille était un peu assombrie par l'étrangeté de sa visite. John Mellish avait quelques réminiscences de l'inquiétude qu'il avait éprouvée la veille au soir. Talbot Bulstrode était pensif et chagrin. La pauvre petite Lucie, enfin, sous l'influence de sa séduisante cousine, ressentait de vagues terreurs. Je ne crois pas qu'un seul membre de cette réunion de famille fût contrarié lorsque la grosse cloche de l'horloge des écuries sonna 11 heures et qu'on apporta les flambeaux pour se retirer. Talbot et sa femme furent les premiers à souhaiter le bonsoir. Aurora s'attacha à son père et John Mellish avait les yeux fixés sur son charmant sergent attendant le mot d'ordre. « Vous pouvez vous en aller, John, » dit-elle. « J'ai besoin de parler à mon père. »« Mais je puis attendre, Aurora. »« Sous aucun prétexte, » répondit sèchement Mrs. Mellish. « Je me rends dans le cabinet de papa pour avoir un entretien sérieux avec lui. »« À quoi vous servirait-il d'attendre ? » ?»« Vous nous avez bâillonné toute la soirée. »« Je sais, John, que vous êtes à moitié mort de fatigue. »« Ainsi, allez-vous-en, mon cher trésor, et laissez-nous, papa et moi, discuter d'affaires d'intérêt. » Elle allongea ses lèvres en rose et se tint sur la pointe des pieds pendant que le gros habitant du Yorkshire lui donnait un baiser. « Comme vous me menez, Aurora ? » dit-il d'un ton un peu aigre. « Bonne nuit, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Ayez soin de vous, mon cher beau-père. » Il serra la main de M. Floyd, en le quittant avec cet air moitié affectueux, moitié respectueux qu'il conservait toujours auprès du père d'Aurora. Mrs. Mellish resta quelques instants silencieuse et immobile, regardant son mari s'éloigner, tandis que son père, qui surveillait ses regards, essayait d'en deviner le sens. Combien sont paisibles les drames de la vie réelle? Quelle scène horrible entre le mort et le vieillard a lieu en pleine rue à Chypre? Selon les usages modernes, je ne puis me figurer Othello et Iago discutant sur la vertu de la pauvre Desdémone dans le cimetière de Saint-Paul, ou même sur la place du marché d'une ville de province. Mais peut-être que la rue de Chypre était triste, un cul-de-sac sans doute, ou du moins un carrefour désert, quelque chose comme celui de la Dame de Lyon, dans lequel M. Melnotte tombe sur le dos du général Damas et raconte en sanglotant ses infortunes. Mais nos drames modernes semblent affectionner l'intérieur et les endroits où l'on s'attend le moins à rencontrer des scènes horribles. Il est probable qu'un voyageur quelconque, allant de Beckenham à West Wickham, aurait jeté un regard d'envie sur le château de Felden et regretté de ne pas être le propriétaire de cette immense étendue de parcs et de jardins. Et cependant, je doute que dans tout le comté de Kent, il y eut une créature dont l'esprit fût aussi tourmenté que celui d'Archibald Floyd, le banquier. Ces quelques instants pendant lesquels Aurora resta pensive furent autant d'heures pour son âme inquiète. Elle parla enfin. « Veux-tu venir dans ton cabinet, papa ? » dit-elle. « Cette chambre est si grande et si tristement éclairée. J'ai toujours peur que dans les coins il n'y ait des oreilles qui nous écoutent. » Elle n'attendit point la réponse de son père, mais elle se dirigea vers une pièce située de l'autre côté de la salle, la chambre dans laquelle son père et elle s'étaient enfermés la veille de son départ pour Paris. Le portrait au pastel d'Eliza Floyd avait l'air de regarder Archibald et sa fille. Sa figure était si bien éclairée et le sourire si naturel qu'il était difficile de penser que c'était celui d'une morte. Le banquier parla le premier. « Mon enfant adoré, dit-il, que veux-tu »« De l'argent, père, 2000 livres. » Elle arrêta son geste de surprise et continua avant qu'il eût pu l'interrompre. « L'argent que tu m'as donné lors de mon mariage avec John Mellish est placé dans notre maison de banque, je le sais. Je sais aussi que je puis, quand il me plaira, tirer à vue sur mon compte. Mais j'ai pensé que si je faisais un bon de 2000 livres, la somme pourrait attirer l'attention et peut-être le billet tomber entre tes mains. Si ceci fût arrivé, peut-être eusses-tu été alarmé ou du moins étonné. J'ai donc pensé qu'il valait mieux m'adresser directement à toi et te demander cet argent, d'autant plus qu'il me le faut en billet de banque. » Archibald Floyd devint très pâle. Il était resté debout pendant qu'Aurora avait parlé. Ma peine eut-elle terminé qu'il tomba sur une chaise auprès de son petit bureau et, appuyant son coude sur le pupitre ouvert, il soutint sa tête dans sa main. « Pour quel motif as-tu besoin de cet argent, ma chère enfant ? » demanda-t-il gravement. « Ne t'occupe point de cela, père. C'est de l'argent qui m'appartient, n'est-ce pas ? Et je puis le dépenser comme je l'entends. » « Certainement, ma chère enfant, certainement, » répondit-il avec une légère hésitation. « Tu peux dépenser tout ce qu'il te plaira. Je suis assez riche pour te passer tous tes caprices, même les plus extravagants, les plus insensés. Mais les arrangements pris pour ton mariage étaient en vue de tes enfants plutôt que pour de semblables choses, et je ne suis pas certain qu'en touchant à cet argent, sans la permission de ton mari, tu ne sois pas en faute. D'autant plus que ton argent de poche suffit pour te permettre de satisfaire à tous tes caprices. » Le vieillard releva d'une main tremblante ses cheveux gris de dessus son front. Le ciel sait seul si même en ce moment Aurora fit attention à cette main débile et à ses cheveux blancs. « Donne-moi cet argent alors, père, » dit-elle. « Donne-le-moi de ta propre bourse. Tu es assez riche pour pouvoir le faire. »« Assez riche, oui. Quand même la somme serait 20 fois plus forte, » répondit le banquier avec douceur. Mais aussitôt, avec un soudain accès d'impatience, il reprit « Aurora, Aurora, pourquoi me tourmenter ainsi ? Ai-je été un père tellement cruel que tu ne puisses avoir confiance en moi ? Aurora, pourquoi as-tu besoin de cet argent ?» Elle joignit ensemble ses deux mains avec force et le regarda quelques instants. « Je ne puis te le dire, » reprit-elle enfin avec énergie. « Si je te disais ce que je pense faire, tu pourrais contrarier mes projets. »« Mon père, mon père !» s'écria-t-elle avec un changement soudain dans la voix ainsi que dans toutes ses manières. « Je suis environnée de toutes parts de dangers et de difficultés, et je n'ai qu'un moyen d'échapper, sinon la mort. Si je ne prends ce parti, il faut que je meure. Je suis bien jeune et trop heureuse pour mourir volontairement. Donne-moi les moyens de me sauver. Tu veux dire cette somme d'argent ? Oui. Tu as été entraînée par quelques connaissances, par quelques-uns des amis de ce... Non. Quoi alors ? Je ne puis te le dire. » Ils gardèrent le silence pendant quelques minutes. Archibald Floyd implorait sa fille du regard, mais elle ne répondait pas à ce regard rempli d'amour. Aurora restait devant son père, l'œil fier et sombre, les paupières abaissées sur ses noires prunelles, non par honte, non par humiliation, mais seulement avec la ferme résolution de ne pas se laisser attendrir par la vue des chagrins de son père. « Aurora, » dit-il enfin, « pourquoi ne pas prendre le plus sage et le plus sûr moyen ? Pourquoi ne pas dire la vérité à John Mellish ? Le danger disparaîtrait, la difficulté serait surmontée. Si tu es persécuté par cette vile engeance, qui mieux que lui peut te venir en aide, dis-lui, Aurora, dis-lui tout. » « Non, non, non !» Elle couvrit son pâle visage de ses deux mains. « Non, non, pour rien au monde !» s'écria-t-elle. « Aurora !» dit Archibald Floyd avec un air de fermeté croissante qui s'étendit sur sa figure et couvrit d'un sombre nuage la physionomie bienveillante du vieillard. « Aurora, que Dieu me pardonne de dire de telles paroles à mon enfant, mais je dois insister pour que tu me dises que ce n'est point un nouvel aveuglement, une nouvelle folie qui te pousse à... » Il ne put terminer sa phrase. Mrs. Mellish laissa retomber ses mains et le regarda avec des yeux qui lançaient des éclairs et les joues empourprées. « Père !» s'écria-t-elle. « Comment oses-tu m'adresser une semblable question ? Un nouvel aveuglement ? Une nouvelle foi ? Crois-tu que je n'ai point assez souffert des folies de ma jeunesse? N'ai-je point assez payé l'égarement de mon enfance pour que tu me parles ainsi ce soir? Suis-je donc d'une si basse extraction? Dit-elle avec indignation, en désignant le portrait de sa mère, que tu as le droit d'avoir une pareille opinion de moi? Est-ce que... Son emportement arrivait à son comble lorsque soudain elle tomba aux pieds de son père, éclatant en larmes et sanglots. « Père, père, aie pitié de moi » s'écria-t-elle. « Aie pitié de moi !» Il la prit dans ses bras, l'attira sur lui et la consola, comme il l'avait consolée de la perte d'un petit terrier d'Écosse 12 années auparavant, lorsqu'elle pouvait encore s'asseoir sur ses genoux et cacher sa tête dans son gilet. « Avoir pitié de toi, ma chère enfant » dit-il. « Que ne ferais-je point pour t'épargner un moment de peine? Si ma malheureuse existence pouvait te soulager, si... Me donneras-tu cet argent, père ? » demanda-t-elle en le regardant d'un air câlin au milieu de ses larmes. « Oui, ma chérie, demain matin, en billets de banque. Comme il te plaira. Mais pourquoi fréquenter ces gens-là? Pourquoi écouter leurs inconvenantes demandes? Pourquoi ne point dire la vérité ? Ah, pourquoi, en vérité ? » dit-elle d'un air pensif. « Ne me fais point de questions, cher père, mais donne-moi l'argent demain, et je te promets que ce sera la dernière fois que tu entendras parler de mes anciens chagrins. » Elle fit cette promesse avec une assurance telle que son père eut un rayon d'espoir. « Viens, mon père adoré, » dit-elle, « ta chambre est près de la mienne, montons ensemble. » Elle passa son bras sous le sien, et le conduisant jusqu'en haut du grand escalier, ne le quitta qu'à la porte de sa chambre. M. Floyd fit venir sa fille dans son cabinet le lendemain matin de bonne heure, tandis que Talbot Bulstrode décachetait ses lettres et que Lucie se promenait de long en large sur la terrasse avec John Mellish. « J'ai télégraphié pour qu'on m'envoie l'argent, ma chère enfant, » dit le banquier. « L'un des commis sera ici quand nous aurons fini de déjeuner. » M. Floyd avait raison. Une carte portant le nom de M. George Martin lui fut apportée pendant qu'il déjeunait. « Priez M. Martin d'avoir la bonté de m'attendre dans mon cabinet, » dit-il. Aurora et son père trouvèrent le commis assis auprès de la croisée ouverte, regardant avec délice, à travers les festons de feuillage qui entouraient les treillages, le superbe jardin d'agrément. Felden Woods était un endroit sacré aux yeux des jeunes commis de Lombard Street, et une course avec un homme en cab, par une belle matinée d'été, sans parler de la chance d'une collation au gâteau avec du vieux madère, ou un poulet froid avec de l'ale d'Écosse, passait pour une véritable partie de plaisir. M. George Martin, qui était sous l'influence du chagrin passager de n'avoir que 19 ans, se leva avec empressement, d'un air confus et surpris, et rougit énormément à la vue de Mrs. Mellish. Aurora répondit à ses saluts respectueux par un mouvement de tête, comme elle aurait pu le faire pour un des petits chiens de l'écurie, et s'assit vis-à-vis de lui à une petite table auprès de la fenêtre. La table était si étroite que la robe de mousseline d'Aurora frôla le pantalon de drap brun du jeune commis quand Mrs. Mellish s'assit. Le jeune homme ouvrit un petit sac en maroquin qu'il portait suspendu en bandoulière par une courroie et en tira un paquet de billets de banque si minces, si blancs, si neufs, que dans leur fraîcheur immaculée, ils ressemblaient plutôt à des billets de la banque d'élégance qu'aux valeurs fictives mises en circulation pour les besoins d'une nation laborieuse et commerçante. « J'ai apporté l'argent pour lequel vous avez télégraphié, monsieur, » dit le commis. « Très bien, monsieur Martin, » répondit le banquier. « Voici mon reçu tout préparé. Les billets sont... 20 de 50, 25 de 20, 50 de 10, dit le commis avec volubilité. M. Floyd prit le petit paquet et comptait les billets avec la prestesse de l'habitude qu'il avait encore conservée. « Parfaitement juste, » dit-il en tirant la sonnette, à laquelle il fut aussitôt répondu par un laquais à l'air souriant. « Servez une collation à monsieur. Vous trouverez le madère excellent, » dit-il avec bonté en se tournant vers le timide jeune homme. « C'est un vin qui s'en va, et quand vous aurez mon âge, monsieur Martin, il ne vous sera pas possible d'en avoir un verre de pareil à celui que je vous offre aujourd'hui. Au revoir. » M. George Martin s'élança rapidement pour saisir son chapeau qu'il avait posé sur une chaise, renversa avec son coude un tas de papier, salua, rougit et trébucha en sortant de la chambre à la suite du laquais qui professait un profond mépris pour les jeunes commis. « À présent, mon enfant, » dit M. Floyd, « voici l'argent que tu m'as demandé. Quoique, fais-y attention, je proteste contre... »« Non, mon père, plus un mot. » dit-elle en l'interrompant. « Je croyais tout cela rangé hier soir. » Il soupira, avec le même air triste qu'il avait eu la veille, et se plaçant devant son bureau, il trempa sa plume dans l'encre. « Que vas-tu faire, papa ? » Je vais seulement prendre le numéro des billets. Ce n'est point la peine. C'est toujours la peine d'être un homme d'ordre, dit le vieillard avec fermeté, tout en inscrivant les numéros les uns après les autres sur une feuille de papier avec une précision admirable. Pendant cette opération, Aurora se promenait avec impatience dans la chambre. « Comme j'ai eu de la peine à avoir cet argent !» s'écria-t-elle. « Je n'aurais pas eu plus de mal à obtenir ces 2000 livres si j'eusse été la femme ou la fille des deux plus pauvres hommes de la chrétienté. Et à présent, tu me fais attendre pendant que tu prends les numéros des billets. Pas un seul, probablement, ne sera changé dans ce pays. J'ai appris à avoir de l'ordre étant très jeune, Aurora, » répliqua M. Floyd, « et je n'ai point perdu mes anciennes habitudes. » Il accomplit cette besogne en dépit de l'impatience de sa fille et lui donna les paquets de billets lorsqu'il eut terminé. « Je garderai la liste des numéros, ma chère, » dit-il. « Si je te la donnais, tu pourrais la perdre. » Il plia la feuille de papier et la plaça dans un tiroir de son bureau. « Dans 20 ans d'ici, Aurora, » dit-il, « si je vivais jusque-là, je serais à même de reproduire ce papier, s'il en était besoin. »« Ce qui ne sera jamais, cher et méthodique père, » répondit Aurora, « mes chagrins sont terminés à présent. » Elle enlaça le cou de son père avec ses bras et l'embrassa avec tendresse. « Il faut que je te quitte, mon très cher père, aujourd'hui, » dit-elle. « Il ne faut pas me demander pourquoi. Il ne faut rien me demander. Tu n'as pas autre chose à faire qu'à me chérir et avoir confiance en moi, comme fait mon pauvre John, franchement, sans arrière-pensée, envers et contre tous. »